Non, mais toi, tu ne sais pas pourquoi tu me parles. C'est un truc de connexion. Hein. Ah bon? Attends, je te mets une autre. Tout à l'heure, tu l'as fait marcher. Hein. Oh là, oui, c'est hein? Normal. J'ai fait combien de morceaux? Oui. J'ai fait 12 morceaux. Ok, on est de retour sur Radio Metanoia. Là, il y a Vincent Black qui va montrer son nouveau album. Vincent, tu es prêt? Mais ça marche pas. Attends, tu as mis? Il est là, le micro. Attends. Non, pas les micros, mais tu as mis les câbles? Ouais, le câble, il est là. Mais on lève la coque. La coque? Le coque du téléphone, la protection. Un truc gris, quoi. Ah, d'accord. Parce que sinon, ça rentrait pas bien. Non. Si, attends, mais mets-le. Bon, on attend que. Qu'on connecte le téléphone, on peut entendre la musique de Vincent Black. Ouais, c'est bon? Direct, vas-y. Bonne nuit. Ouais. La maladie révolue, redevient évoluer. Les meilleurs partent toujours les premiers, que Dieu me garde. Mon préfixe établi au préalable, on veut me la mettre, mais je sais avec qui je marche. Laisse passer le doute et l'obscurité, et je coupe les mauvaises langues à la hachette. Mon scud à de la belle, ribot belle de maille, mon cache ou protection, détection surhumaine, personne ne m'amène, j'ai une vie simple, j'essaie d'être humble, poser, travailler, me reposer, comme un guerrier en croisade, sans obstacle, qui s'est fait la belle, et qui a compris que sa guerre n'était pas la sienne. Les monnaies dévaluées, mais mes attributions réévaluées, malgré sans des guerres, j'ai plus de plus-value, évoluer, ma vie de pauvre a révolue. Les monnaies dévaluées, mais mes attributions réévaluées. Malgré le sang des guerres, j'ai plus de plus-value. Évoluer, ma vie de pauvre est révolue. Après, tu vas en parler, Vincent. Ma mère s'est battue. Après, tu vas présenter ton discours. Réévaluer, mon sort bien élevé. Pense plus à m'élever dans la société. Le star system même pas. Putain, le monde a servi. Je veux que mes parents les servent et que les frères ne perdent plus leur estime. Juste un signe à branche avec des flots, des têtes qui percutent pas assez. Et les petits rats sont faire ton frais. Plus de vis à la barre, les juges ne comprennent pas nos vies. Les monnaies dévaluées, mais mes attributions réévaluées. Malgré le sang des guerres, j'ai plus de plus-value. Évoluer, ma vie de pauvre révolue. On finira pas en être comme des clés. Même si c'est pas tout cœur qu'on teste. Par état à la ceinture, ils perdent l'honneur de leur jeunesse pour se venger. On a longtemps, j'ai pas vu le temps filer. Je voulais leur attacher, grandir, les envoûter. Ma route est sinueuse, entourée de gants quand je cherchais un trésor. Je vis caché, esquive la convoitise dans le marché, mon place retentit. Tout ça, je le mérite. Les monnaies dévaluées, mais mes attributions réévaluées. Malgré le sang des guerres, j'ai plus de plus-value. Évoluer. C'est la préférée celle-là. Mais continue, laisse. Mon son varie, c'est pas de la 16. Mon 16 mesure à l'arrache. Mon casque que je mets à droite. Mon technicien fonctionnaire. T'as pour stopper les lancers, c'est pas en pleine ascension. Percute malgré la mondialisation. Mon organisme sous tension. Toute tension progressiste. Les gros espagnes des ronds. Pendant du défaut tout. Ils tournent en rond. À faire du bien pour du mal. Mon son fait l'illustration des frustrations qui génèrent dans leurs actions. Stupide. Comme prêter des dollars à des gens qui me la tête. Mon sol bat. Je cache là où y'a rien. Américain soldat qui fait quoi? Je suis en mode d'avis. Ils perdent leur monde grâce à la guerre en guerre. Y'a guéri pour rien. Ils perdent pas. Normal. Ils sortent pas du bon cursus. Mon gars sûr assure à l'arrière. Pendant qu'il les envoie à la base. Y'a des barrières barrées. Mon champ de vision barricadé. Équipe soudée. J'y vais sous porche pour oublier toute cette saloperie. On prie pour laver nos péchés. Sans remords. Dehors ça sent le soulèvement. Mais y'a rien qui bouge. J'entends le roulement des tambours dans ma tête. Ouais, mec. Mon parcours chaotique plein de fautes de frappe. J'arrive à balle en chien, rate les épales. Des valables sans ça, ma vie qui devient valable pour être début. Toucher les alarmes, aujourd'hui je suis bien. La journée comme la nuit, je suis plus, je suis plein de train. Le train, je pense qu'on va rater cette fois. Car j'ai oublié un train d'avance. Ça marche pour moi, est-ce que je peux le dire au FC? vois ma vie défiler. C'est qui qui a un stylo soufflé? Ton cul dans le fil et ta poche franchie une tape. Viens pour finir dans ce fil propre, plein de rien. Je suis conscient, je reviens loin. Je suis au point mort et c'est mortel. Je mentalise pas sur mon passé, c'est mieux comme ça. Ouais. La minorité majoritaire fait dans tout corps la jeunesse. La jeunesse tombe dans un doux sans dessus. Les pouvoirs politiques nous déçoivent. Est-ce leurs idées reçues? Non. À droite, tu peux pas avancer, tu marches pas avec les autres. À droite, c'est l'électorat, les tests pas s'écarter droit. La marche à suivre, imperceptible. Les démarches illisibles, depuis la nuit des temps, ils tirent sur tout ce qui bouge. De la place rouge à l'opéra, même tu vas rassembler. Le menacé dans mon éducité. Tout à l'heure, tout à l'heure, tout à l'heure, tout à l'heure, tout à l'heure, tout à l'heure, comme si le bien t'atteint plus. Je t'entends pas un sein, comme si j'ai. Plus rien faire que ça. Après ça, comment se défaire cet engrenage? On marche sur une pente ascendante, puis tout s'écroule comme un château de cartes. On roule pas à la même vitesse. Depuis là, vous voit tous mes legs. Y'a un Dieu encore plus lucide que le plus clairvoyant des hommes. Sans sérum, ne pas entendre ni préserver les pièges de l'existence. Mais la pauvreté rattrape tôt ou tard. La rue aussi, on perd notre innocence. Merci. Avant le tiers monde dans cet état, la monnaie dévalorisée comme un homme qui perd son bras. À coup de couteau à l'arrière par un soldat. À bout de bras, tiens le mur de cette cité. Sans plus, comment comprendre ça quand t'as toujours connu les incompréhensions culturelles, ils ont eu. Y'en a qui ont tout et y'en a qui ont rien. Et y'en a qui perdent tout pour rien. La chute est plus grande encore. Les riches roulent en 4x4. Putain, quelle chaîne de vie hardcore. Comme je disais sur quel niveau. Je préfère rester sans cash et pouvoir vivre sainement. Sans avoir un risque qui les glace. Les glaciers fondent comme le. Et cherche cette protection judiciaire, putain. Ce putain de mal était nécessaire. Ça m'apprendra à écouter les prêches et à vouloir couler une banque. À voir des chiffres sur un bout de pied. À mendier comme un enfant à un smicard qui ne comprenne pas mes attentes. Et qui s'étonne qu'on lui parle mal. Je fais attention dorénavant. J'économise pour mes projets. Je récite personne, j'ai cette putain de joie de vivre. Ici, dans mon regard, j'ai un séducteur et j'essire les traces superflues occulteurs. Mon passé fond, j'ai mon début propre, sans sentiment. Le champagne coule à flot, fais péter les sommes comme un méro. Sans oublier les stress, bien sûr. Gardez bien la pêche, bien sûr. Et le sourire, l'argent change trop vite demain. Et je sais de quoi sera fait mon lendemain. Ouais, ouais. Parcours sans fin, retracer l'encre rouge. On peut plus en aligner une. Détournement du chemin par à l'autre branche du port. On en fait les frais, comme des pantins. La thune après la thune, on est entré dans la spirale de l'échec. Certains en disent des fins, d'autres en comprennent les rois. Je retourne les cartes du grand égo. Le même drapeau sous le dos. Et les cicatrices font qu'on maîtrise mal les clés du jeu. Les rapports alors deviennent conflictuels. On a le rôle du dossard, les gilets font plus effet. Même la piquée, l'armure en prend un coup, ils s'affaiblissent. Du cancer à dos, malgré tout, mais qu'on vient pas faire droit, tu veux accroître notre train de vie. L'État fait tout pour qu'on rajoute un JDB, qu'on reste en bas. Malgré tout, mon imagination s'emballe, du productif, mon pays est créatif, originaire des terres prolichériennes, natif de France, mon pays, pour qu'il va la banque du PIB. Les traders s'affolent, y'a plus rien en banque, c'est la reste, dehors ça craint. Pourtant, pour ça, faut s'armer, c'est mieux. Comme ça, quand les traits croisent en route, moi et mes gars en charge à deux. J'essaie d'être vieux, chaque jour qui passe. Et si on touche de trop près, je peux pas m'y faire. Je jure devant Dieu que je fais crime parfait. Ni vu ni connu, je tracerai ma route avec mon silencieux. Pas vu, pas pris, pas de perquis dans mon sillage. Ma parole ferme, je fais ce que je dis. Si on m'enferme, j'en tirerai par la grande porte que pour la psychiatrie. Ma terre, ma patrie verra bien qui je suis. Et les fils de la nation suivront le patriarche. La marche, ils suivront, qu'à la place pour eux. Je les rendrai sur deux, ils réussiront ce qui va être sur ceux. Je laisse la pas non plus du gangster à d'autres. Mais qu'on vient pas me faire croire qu'il va la croire de notre train de vie. L'État fait tout pour courir du train de vie. Voilà, mais la coupe pas, c'est super. Ouais, c'est toi qui coupes. La dernière et après on prend le micro. Quand le cash rentre au pays de Bay, les dièses tapent dans la street, ça le règle. Et un jour tout prend fin, comme par enchantement. Fallait pas déconner quand la balle est à sa porte. A cause d'une poucave, vous passez à pas laisser tomber. Non, non, non, laisse. Ce détail, on leur apporte. On va au micro. Bon, ça c'est Vincent Black qui présente son dernier disque Vincent, tu peux nous parler un peu de ton disque là? Allô? Allô, ouais, c'est Vincent Plaque à l'appareil. Bah, en fait, l'album il sort bientôt là. Vous pouvez voir tous les sons sur YouTube, vous tapez Vincent Plaque. Et après, vous regardez. Il y a une chaîne, c'est Delmar Diop. Il y a 12 chansons pour l'instant qui sont prêtes, sont protégées. Donc, on va voir ce que ça donne quoi. Ok. Et comment tu dis que tu as pris 30 ans pour faire le disque? Non, en fait, je rappe depuis que j'ai 17 ans. Ça fait 25 ans que je rappe. Ouais. Mais j'ai eu des coupures pendant 5-6 ans. Et après, ce qui s'est passé, c'est que j'y croyais pas. En fait, et un gars, un jour, il m'a dit bah, vas-y, va enregistrer en studio. Ouais. J'ai enregistré, c'était à 12-13 ans environ. Et en fait, je me disais, ouais, mais c'est bien. J'ai fait écouter à mes potes, dont un ami avant qui était DJ, et il m'a dit que c'était de la vraie musique, quoi, et que ça m'a percé, quoi. Alors qu'en fait, quand je rappais en 2003, je savais pas ce que c'était parce que j'étais malade, en fait. Et après, j'ai arrêté de rapper pendant 5 ans, en fait, quoi. Et après, 5 ans encore après, je me suis rendu compte que c'était. J'ai enregistré, et là, c'est ça que j'ai vu que c'était bien, en fait, quoi. Qui c'est qui fait l'arrangement? Micro. J'étais en studio, hein, j'ai tout enregistré en studio. Mais qui t'a fait l'arrangement? Micro, prends le micro, Albert. Si tu prends pas un micro, on n'entend rien. Attends, prends un micro, tiens. Vas-y. Merci. Oui, je demandais à Vincent, c'est ça? Oui. Vincent, je voulais savoir qui t'a fait l'accompagnement? Non, en fait, le rap, en fait, c'est sur les faces B, en fait. Qu'est-ce qu'il y a sur la face A? Sur la face B, en fait, c'est une musique en fait qui a été. C'est une musique qui est enregistrée. Qui existe déjà en fait. Ouais. On a des autorisations quoi. Ah. On a des autorisations. Et tu enlèves les pistes voix alors. Micro, plus proche, s'il te plaît. C'est pour le journal. Vas-y. Attends Vincent, mais on te parle là, on t'est là. Bah, t'es interviewé là, faut ouais, ouais. Et donc en fait. Tout ce que je dis, en fait, j'ai inspiré ma vie, en fait, quoi. Oui. Et les textes, c'est toi qui les fais? Mais tout a écrit, c'est moi, j'ai tout écrit, en fait. Sauf la musique, mais les textes, je les ai écrits en même pas 10 minutes, quoi. C'est comme ça, j'ai écrit. Ils sont forts, ils sont forts. J'ai écrit comme ça, quoi. Ouais. Oui, et c'est quoi ton prochain pas, Vincent? Parce que tu fais la photo, tu fais de... Bah, en fait, je sais tu fais les images. Je sais filmer aussi. Tu fais des films? Je sais faire des films, ouais. En fait, je sais faire des films, mais parce que j'ai pas de budget. Mais je sais faire des films, mais je sais pas. Comment dire? Je sais pas faire le montage, pour l'instant encore. J'ai pas l'intérieur, c'est bien quoi. Pour le montage. Ça s'apprend. Ouais. Bah, est-ce que tu veux dire quelque chose? Prendre un micro là, parce que. C'est super, Vincent, hein, bravo, hein, merci de partager ta musique avec nous. Je vous salue à tous. Voilà, et bon. Je viens d'écouter un peu de son du rap de la part de Vincent Plaque et que lui-même m'a fait une super dédicace. Il m'a fait une super dédicace pour les morceaux qu'il a fait. Quoi. Donc le son qu'il fait, c'est vraiment merveilleux. Il a vraiment percé dans la musique, il a dû commencer très très jeune. Et depuis tout petit, il a été baigné dans le hip-hop. Alors le hip-hop, c'est tout à fait Vincent Plaque qui prend la relève. C'est-à-dire s'il y a des gens qui vraiment aiment la musique, je leur conseille d'écouter Vincent Plaque. Ouais, okay. Voilà. Quoi. Oui, Vincent, et c'est quand que tu vas sortir ton album là? Là, quand je prends un micro, prends. Non, là, il y a un autre micro là, regarde. C'est bien, là. Là, on a plusieurs micros. Normalement, je vais organiser le diplôme quand je serai en Inde. L'album quand je pars en Inde dans 2 semaines. Ah ouais, cool. Dans 12 jours, je pars en Inde. Dans un comptoir. Tu verras quoi là-bas? Dans un comptoir. Ouais, dans un comptoir, à Pondichéry. Ouais, peut-être. Vous habitez où à Pondichéry? Régis, tu prends le micro parce que sinon on n'entend rien. Là, il y a un micro là, à côté de toi. Rue Montorsier. Hein? Rue Montorsier Street. C'est où ça? C'est la rue des millionnaires en fait. C'est par rapport à l'ashram. Ouais, par rapport à l'ashram, on va tout droit. Et après, on tourne à droite, à gauche, on va tout droit et on arrive à l'ashram. Ah d'accord, c'est pas du côté de Romine, c'est plutôt à l'ashram. C'est plutôt la chambre de Chloé Robindo. C'est à 10 minutes de la chambre. D'accord. À 10 minutes de la RAM, vous savez déjà où vous trouvez Vincent Black qui va de là. Tu pars 2 semaines, tu vas jusqu'à quand? Pendant 2 mois, je vais partir. Je vais être suivi par un psychiatre là-bas. Et comment il s'appelle le psychiatre là-bas? De l'ambassade de France? Du consulat? Non, un psychiatre indien. Ah oui, dans la clinique Nehru. Ça s'appelle comment la clinique psychiatrique? Merci. Rue Népal, là. Ça, c'est à côté de... Vous avez vu, attendez. Je vais vous dire c'est quoi. C'est où? Attendez. C'est à côté du terrain vague. Ils sont en train de construire. Vous avez vu, il y a un terrain vague. Et après, il y a le commissariat. Et après, on tourne à droite. Vous voyez le commissariat à côté et pourquoi vous restez pas là-bas? C'est trop sympa si vous avez une maison. Bon, la grande maison. Mais moi, j'ai pas. Si j'ai de l'argent, je vais voyager après. Je vais faire le tour du monde après. Ouais, mais pour le moment, déjà, faites le tour de l'Inde. Hein. Mais j'ai déjà fait le tour de l'Inde, en fait. Hein. Ouais. Vous êtes allé à Chidambaram? Non. Bah, c'est pas loin. Hein. C'est magique et c'est pas loin. Et vous êtes allé à Madurai? C'est pas loin non plus. Madurai, j'ai déjà été à Madurai. Hein. Voilà, c'est des temples vivants. C'est des immenses temples vivants. Chidambaram, c'est magique aussi. Mais c'est... Il y a tout le Tamil Nadu. Micro, micro, Albert, micro, parce que sinon, quand on rien, il faut que tu parles toujours au micro. C'est quelle religion? C'est hindouiste? Oui, c'est hindou là-bas. Ah, c'est hindou. Mais, oui, moi, je suis catholique. Hein. Moi, je suis catholique. D'accord, mais là-bas, c'est un hindou. Ouais, c'est hindou. Ouais, parce qu'il persécute un peu les minorités catholiques en ce moment parce qu'ils sont très maudits. Là, il est très nationaliste. Il se l'a fait islamiste hindou, quoi. Voilà. La religion, c'est l'hindouisme, et du coup, il persécute à la fois les catholiques et aussi les musulmans. Du coup, les musulmans au Bangladesh, ils persécutent les hindous. Ouais. C'est tout, c'est terrible. Moi, c'était même avant que les Anglais s'en aillent. Oui, la partition qui a fait qu'il y a eu après la guerre entre les hindous et les... La guerre des religions, hein, catholiques. La guerre de religion, et du coup, après, il y a eu la partition, et du coup, ils ont fait un pays musulman, qui était le Pakistan. Il y avait le Pakistan oriental et occidental, avec le Bangladesh, après, qui s'est aussi séparé du Pakistan qu'on connaît actuellement, dont le président était Imran Khan, le célèbre cricket player. Mais là, c'est encore plus radical en ce moment, le Pakistan. Et en fait, ce qui s'est passé en Inde, c'est qu'il y a eu... quand j'étais en Inde, il y a un an et demi, il y a eu des gens qui voulaient avoir les papiers, des gens du Bangladesh, ils voulaient avoir des papiers. Bah oui. Et on leur a dit non, après une manifestation, et après, voilà. Bah, ils voulaient pas, parce que ça faisait du coup des musulmans qui venaient. Voilà, du pays. Par contre, si c'était des hindous persécutés, ils venaient comme réfugiés politiques, ils pouvaient venir parce qu'ils étaient hindous. Mais ils se disent, eux, si on fait venir des musulmans, après ils vont. Hein. Vous êtes hindou. Albert, plus proche du micro, s'il te plaît. Parce que vous êtes hindou, vous n'êtes pas hindou, vous êtes hindou, vous n'êtes pas hindou. Oui, c'était Francis Blanche et... Bah oui. Vous savez où est-ce que... Vous savez pourquoi il n'y a pas d'arbre à pain aux îles Sandwich? Moi, j'ai toujours pas compris. Il n'y a pas de... D'arbre à pain aux îles Sandwich. Ah, ouais. Ça, c'était Monsieur Meunier qui disait ça. Albert, est-ce que tu peux parler un peu plus proche, s'il te plaît? Je sais que tu veux. C'est parce que j'ai pas grand-chose. Après, il y a. Oui, c'est bien. Je voulais faire un topo la prochaine fois, plus préparé par moi. Oui, mais il faut que tu parles. Au sujet de l'histoire de la psychiatrie à Villevrard. Ah oui, vous pouvez parler de Monsieur Baruch aussi, ça oui, c'est intéressant. Ça, parce oui, que c'est ça. Baruch, je pensais pas qu'il était né au 19e siècle. Ah ben il a fait 102 ans, je crois. Ouais. Baruch, c'était un vieux psychiatre, tu l'as connu peut-être? Non. Voilà, c'était moi, au début des études de psychiatrie, ben, il y avait M. Baruch, mais c'est un vieux papy déjà. Oui, c'est ça. Ouais. Et... Il était déjà prof honoraire, ou bien comme. Voilà, c'était un peu neuropsychiatre à l'époque. Oui, c'est ça. Mm-hmm. Ouais. Non, mais il était marrant, il y avait plein de. Et puis, une pêche incroyable. Ouais. Et vous l'avez connu où? Ah, moi, je l'ai connu sur YouTube. Ah oui, vous l'avez pas connu à Villevard? Alors, je n'ai pas connu. Pourtant, il était en fonction, on était en fonction en même temps, moi malade et lui soignant. Ouais, et où je travaillais à l'époque, vous étiez... Oui, vous étiez, mais j'ai quand même fait 2 séjours à Île-de-France, et je pense que quand j'y étais, c'était lui le boss. Et précédemment, j'étais à Charenton, et il avait été aussi chef de service à Charenton. Et vous avez continué à faire toute votre carrière malgré votre maladie? Oh oui, pratiquement. Ah ouais. Arrivé à la cinquantaine. Avec les impôts. Arrivé à la cinquantaine, j'ai dételé. Nous, les fonctionnaires, on est tous des bonnes. Ouais. Micro, micro, passez un micro là-bas. Vincent qui arrive avec ses plumes. Vincent, tu peux lui donner un micro pour qu'elle se présente. Là, on a une nouvelle invitée avec des plumes sur la tête. Magnifique, des lunettes, soleil. Allez-y, allez-y. Des plumes de Pan. De Peter Le Pan. Bon, bonjour, vous êtes madame. Bonjour, moi je suis madame Sangaré. Je travaille pour la mairie de Pantin. Oui. Je suis secrétaire médicale dans un centre de santé. Ah, bienvenue à la radio Métanoïa. On est là. Je suis déjà venue. Oui, oui, je sais. Ben oui. Non, on s'est déjà vu. Ouais. Oui, oui. Voilà. D'origine malienne, je vous avais dit et tout. On avait parlé des djembés, des. Vous avez même joué les djembés, j'imagine. Ah, si, si, je suis là, je suis malade. Ça se voit pas, mais. On est tous malades, là. On est tous malades ici. Bah, on est tous guéris aussi. Heureux, malade. Ah, oui, oui, oui. Mais vous savez où ça vient, les mots malades ? On est tous des fous. Malade, ça vient de maladir. La balance trompe, hein. Des choses qui sont mal dites, qui sont mauvaises dites. C'est dans nos têtes. On est très gentils, ça c'est vrai. Ouais, c'est ça qui m'a causé problème. Ma gentillesse, ça m'a causé là, il y a un micro à côté. Les gens, ils ne disent pas, mais il y en a beaucoup qui guérissent. Hein. Ils ne disent pas les médecins. Il y en a beaucoup qui guérissent cette maladie. Hein. Et là, où les gens commencent à guérir, c'est 42, 43, 44, 45 ans. C'est là que je commence à guérir les gens. Ou alors la maladie est vraiment ancrée, et donc en fait, on guérit, il y en a qui ne guérissent pas. Quoi. Mais il y en a beaucoup qui guérissent. Hein. Là, maintenant, il y a des gens, en fait, ils m'ont montré ça. Attendez. On est tellement fragile qu'on est gentil, et les gens, ils abusent de notre gentillesse. Ils m'ont montré des revues sur sur la spiritualité et le yoga. En fait, ça parle de l'unification entre le psychisme et le physique et la spiritualité, en fait. Et en fait, j'ai suivi ça quand j'étais en Inde, pendant mon temps, quoi. J'ai suivi ça, et là maintenant, il faut que je travaille ça, quoi. Oui. Mais mon psychiatre m'a dit, en fait, qu'il fallait pas que je fasse du yoga. J'en faisais, et il m'a dit que c'était pas bon pour ce ah bon, le psychiatre là-bas ouais, il m'a dit que c'était pas bon, quoi. Mais en fait, il envoie un courrier au psychiatre d'ici, le psychiatre de là-bas. Je sais pas, demander au docteur Serra. Ah, c'est qui votre psychiatre ici? Docteur Serra. Oui, bah vous voyez avec Serra. Mais c'est bien déjà d'avoir un psychiatre à Pondichéry. Ah, c'est cher, c'est cher. Parce que c'est le psychiatre qui travaille pour le consulat de France de Pondichéry. Parce qu'il y avait toujours un médecin psychiatre qui travaillait, comme il y avait beaucoup de Français qui devenaient fous là-bas à Pondichéry. Il y avait beaucoup de. De Français qui devenaient fous, donc il y avait un psychiatre. Il fumait trop, non ? Bah, il y avait ça, mais il y avait aussi le fait que c'est tellement différent. Ah, donc, la dernière fois, j'ai rapatrié comme ça un jeune qui s'occupait de la forêt primaire et en fait, il a eu la mission d'évangéliser l'Inde ou je sais pas quoi. Ah, donc, il a fallu que je le rapatrie et que ça fasse infirmière. L'aéroport de Kuala Lumpur étant en feu, il a fallu que je passe par Singapour. Et puis du coup, après, il mettait son bébé, il avait un bébé, il le mettait dans les rayons X. Du coup, les Indiens, ils lui ont pris les mains, ils lui ont dit non, on va toucher plus de bébé. Et en fait, après, il est revenu, quelques mois après, on a fait une grosse fête de départ, avant le départ. Il était hospitalisé dans la clinique, sûrement, du médecin qui le soigne, pour montrer que, voilà, il n'avait pas changé, mais il est rentré en France et il est revenu finir son travail sur les... sur la canopée, je crois, sur tous les primaires. Le but, c'était de guérir. Micro, Albert. À chaque commentaire, il faut le faire au micro parce que sinon les gens qui nous écoutent, ils se perdent. Ils se perdent. Et tu crois qu'il y a beaucoup de monde qui nous écoute ? Oui, quelques-uns. C'est quand on aura. Ah tiens, à propos d'écouter, il a mentionné. Tu as fait un de tes titres sur YouTube. Ça. Comment on retrouve Vincent ? Ah, vous allez sur Internet là. Oui, en fait, là, ils m'ont dit je célèbre. Il y a des gens qui me connaissent dans le monde entier en fait. C'est vous qui m'avez. C'est un gars qui m'a dit ça, un prêtre. Il a dit en fait que je suis célèbre dans le monde entier. Mais les gens en fait ici savent pas que je fais de la musique. Parce qu'en fait, sinon j'aurais des fans qui viendraient pour dire oui, c'est lui ou pas quoi. Ils le savent pas. Peut-être on est célèbre et on le sait même pas. Il y en a qui sont célèbres, ouais. Et ma meilleure amie, en fait, elle a dit qu'il y a des gens qui gagnent de l'argent grâce à ma musique déjà. Et en échange, les sons, ils sont protégés à la SACEM. Même les instruments, en fait, donc on a les autorisations. Ah, c'est les chasseurs. Ouais, voilà. Et je connaissais quelqu'un qui entendait une voix qui lui disait Tu es millionnaire, mais tu le sais même pas. Ah, il y a Sugarman aussi, vous savez. Ah, voilà. En fait, c'est. Au revoir, madame. Attention, micro. Au revoir, madame Sangaré. Au revoir, Madame Sangaré, chantez. Oui, je l'ai pris. Au revoir. Bon, Vincent. Au revoir. Et bonne reprise de travail. Moi, c'est des jeunes. Vincent, est-ce que tu veux improviser un truc comme ça? C'est des jeunes qui font les pétards. Moi, c'est des jeunes. Ils ont des pétards. Ils ont des claques-doigts, mais ils sont pas normes. On dirait des boules de pétards. T'inquiète pas, c'est pas des flammes. Ils sont pas là pour nous torturer. Ils sont là pour te faire embêter. Pour rigoler. Tu vas y dire, Vincent? Tu vas? Prends le peinture et dire. Non, ça va. Bon, les Radio Metanoia, il est presque. Il est 6h moins 10. On a 10 minutes d'impro. On va faire l'impro. Eh, hey, bonjour l'impro. On est juste, on dit impro, il y a barré l'impro. Ça va? Tu as, est-ce que tu as 5 minutes pour prendre les micros et improviser un truc? Ouais, bien sûr. Voilà. Ça va bien? Là tout de suite, il nous reste 9 minutes d'émission. Ok, ça c'est franchement. Vous pouvez brancher aujourd'hui, mais. Tu peux le laisser là, on va voir. Oui, tu peux le laisser sur la table, merci beaucoup. Vous pouvez brancher une masse comme ça ? On n'a pas d'ampli pour l'instant, mais on peut l'avoir. Non, mais la prochaine fois. Faut trouver un ampli aussi, parce que sans ampli. Oui, faut un ampli. On va essayer la prochaine fois. Allez, c'est un peu tard. Au revoir tout le monde. Au revoir, Adir, merci beaucoup. C'est quoi la question? Micro, s'il vous plaît, micro. Comment on peut avoir un échantillon de ce que tu fais? Eh ben en fait, tu vas sur YouTube. Ouais, t'as internet? Oui, YouTube. Est-ce que c'est 20 blagues d'un seul coup ou bien... Genre, j'ai pas entendu quand t'as fait le truc, je peux refaire. Attends. Vas-y. On a 8 minutes en direct, puis après c'est fini. Ok, bon, on va pour les 8 minutes. Vas-y, Vincent, et ton prénom, je l'ai à compte. Attends, c'est quoi? T'inquiète, j'arrive. T'as pas une instrument et j'improvise sur ça? Attends, ton nom d'artiste, tu m'as dit? Allô? Ouais, c'est bon. Black Ace. Ok, on m'entend? Ouais, on t'entend c'est bien. C'est ça, je suis en vie. C'est pareil. Je suis en ville là. Ouais, tu es en direct là. Olney Bondy. Tout se passe ici, c'est comment? Vas-y, on est en direct là, on est encore. En direct live. On est en direct live. Radio Métanoïac. Métanoïac. Ouais, allez. Transformation de la pensée. Blacky, vas-y. Vas-y, mais balance une instru. Vincent, tu peux connecter le mini jack si tu veux. La fin de faire un acapella, t'as pas un truc à proposer, j'improvise tout ce que tu veux. Vincent, tu as un instru là ? Tout ce que tu veux, j'improvise. Est-ce que tu as un instru sur ton, mobile ? Il est où ton mobile ? J'ai pas de téléphone, moi. Ah, d'accord. On a le 5 octobre, il y a Dragon Ball Z qui sort. Tiens, j'ai des photos. Il faut le dire. C'est quoi mes photos ? Non, moi, c'est pas les images que je veux, c'est des sons. En fait, tu restes sur YouTube. Ah, mais vas-y, viens, accompagne-moi, on fait un petit truc à deux là. T'es sérieux? Ah, si. Ouais, vas-y, t'es chaud quoi. T'es un MC ou t'es pas un MC? J'ai un MC, mais. T'es un MC ou t'es pas un MC? MC, c'est comment? Maître de cérémonie. Pour ceux qui savent, maître de cérémonie. On est là avec un gars que. C'est la première fois que je vois, c'est. Comment vous prénommez-vous? Et vous, tu vois? Moi, c'est Belka CK Ace. Moi c'est. Non, il n'y a pas de prénom. Mais c'est Didi P le prénom, sinon. Yeah. C'est Albert. Hein? Albert. Albert, c'est ça. Albert. Comme Albert Einstein. Oh là là. On a dû vous la faire plusieurs fois celle-là. Hein? C'est comment? Ok. Mais genre toi, t'es dans quel type de rap? Tu fais comment? Tu. Tiens, je me rappelle de toi. Vas-y, bah ok, je fais un truc. Vas-y. Ce que j'ai fait, moi, sur un acapella, chef. Tout le monde n'importe quoi, tu vois. Mais c'est ce qu'on entend, c'est ce que je suis en train de mettre, hein. C'est n'importe quoi, là, j'entends aucun instru, tu vois. Balance ce que tu veux, ce que tu veux. Je vais improviser, t'inquiète. Ça, c'est Space. Donc, c'est ça l'instru? Ok, monte le volume un peu. Attends. Vas-y. Ok. Je laisse le truc venir. Ok. Ouais, laisse un temps. Ok. Vas-y, on y va. Vas-y, continue sur ça, l'instru, elle est un peu paranoïde, hein. Métanoïa, voilà, ce qu'on va faire, paranoïde, tu vois. Vas-y. Je vois un petit truc là. T'inquiète, on va trouver. Ok. Ouais, c'est chou, mais t'inquiète, je vais trouver. Ok. Ok, je pose mes mains, si je t'écrase comme un mégot, mes fins te plongent dans le maco, je suis un fou, ouais. je suis chaud, une bombe à feu, ok, on va essayer, ok, vas-y, c'est bon, j'ai un truc. On m'a tant appris, depuis tout petit, ça en vaut le prix. De Kourou à Paris, on m'a tant appris, depuis tout petit, ça en vaut le prix. De Kourou à Paris, aïe aïe. Aïe aïe. Aïe aïe. Aïe aïe. Aïe aïe. Aïe aïe. Aïe aïe. Aïe aïe. Tranquillos quand on bouge le corps. Tranquillos, Nico Racine. Tranquillos quand on bouge le corps. Tranquillos, Nico Racine. Aïe aïe. Aïe aïe. Aïe aïe. Aïe aïe. Ok, popo, ratatatata, popo, ratatatata, popo, ratatatata, popo, popo, popo, ratatatata, popo, ratatatata, popo, popo, popo, popo, ratatatata, popo, ratatatata, popo, ratatatata, popo, Ok. 4. Ici c'est. Ok. On veut. Ici c'est. Bonji. Ici c'est. Bonji. Ici c'est. Bonji. On veut le Roro. On veut le Roro. Seulement si Dieu veut, on l'aura. Pour l'instant, les chiens de drap font des yo-yo. Ça nous est mal la vie. C'est à toi la vie. Ici c'est. C'est de qui là? C'est à moi. Donc. C'est quoi ton nom? Vincent Black. Vincent Black. Ok, on est posé avec Vincent Black. On fait des choses sur cet instrumental. Yeah. Ok, ça fait. Tranquillos. Perd des kilos. Tranquillos. Perd des kilos. Pour tous ceux qui font un régime. Eh, ça fait. Tranquillos. Perd des kilos. Tranquillos. Perd des kilos. Ok. Toujours en radio. C'est un continu, ça s'arrête pas. Ad vitam aeternam. On pose même en latin. Rien ne m'arrête. Deux minutes. Vincent Blas. 2 minutes, Vincent Blas. Albert. Déteste le gouvernement. Et c'est mes fans cessent d'organiser le déclin. Jusqu'au pays lointain, le mal ne cesse de triompher. Les idéaux supplessent les rôles de ma ville. L'eau, la terre, les mers, les villes entières. Ils détruisent tout sur leur passage. Jusqu'à l'Amazonie, les blabames tous, c'est l'agonie. Les enfants meurent en bas âge. Ça gêne certains, pendant tous s'en battent les reins. Ça change rien à notre train quotidien. Leur indifférence agace, mais que veux-tu y faire? Sinon, réussir à quitter le carter pour Ivoli. Arriver là, je kifferai ma vie. Ce sera l'extase de la poteuse, enfin, je crois. À toi. Ok. Toujours. Il reste un peu de temps, on va faire des choses différentes. Une minute. Style attitude, prends l'attitude, être assidu, j'ai l'habitude. Style attitude, prends l'attitude, être assidu, j'ai l'habitude. Ok. Style attitude, prends l'attitude, être assidu, j'ai l'habitude. Ok. Chelou le fond et la voix. Faut dire que voilà, j'ai un petit rhume là. Mais bon, c'est pas ça qui nous arrête. Yeah. Ok. Ok, on va essayer sur du fast. Du très très fast. Ok, terminé. Radio Metanoia, en live. Ouais, en live, en direct. Ok, je pose mes mots, même si je t'écrase comme un mégot, je suis un fléau, une bombe à feu. Pour rap, pour champer chaud, pour rap, des fois le verre est chaud. Je suis bien là pour voir quelque chose, avec un vide des rimes de dingue. C'est parti pour vous mettre bien. Pause. Ouais, super, ça fait, là on a fait un autre, c'est pas du rap, c'est autre chose, c'est une espèce de tout, c'est un peu d'électro. C'est bien. Ouais, moi je suis cinéaste aussi, c'est ça. Ah, tu vis de ça? Ah, je vis pas de ça,